pas plus de famille. J'ai déjà ma famille, m'appelle pas la famille. Je ne veux que des grammy. L'argent à chaque hit, les mains sont salées, les mains sont salées. Les démons manipulent chaque jour, je tourne, je tente. Regarde autour de toi, on est dans la cour des grands. Pourtant ne te tourne pas, non. Le niveau est toujours élevé, bébé du coucher au lever. Les petits se font des relevés, les plus battus essaient de soulever. Véritable, et les yeux sont véritables. La misère inévitable. Dans ma rue c'est very bad. 100 000 dans la valise. Meilleur malheur, ralice. Braza, Paris, AG. On ira braver le danger. Avant c'était la race, maintenant ça va. On a fait tout ça avec nos bravas. J'tue le game, mais papa me dit bravo. Et merci Stavo pour les travaux. J'vérifie, je recompte, je vérifie. BDG, 44, Calefit. Pas de traite, pas de bitch, pas de fit. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Pour le bif, on ira. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Si tu veux la guerre, si tu veux la guerre, on ira. J'ai rentré mon désertigue, l'oiseau fait que voler. Comme le voleur, l'oiseau fait son nid, le voleur n'y s'en fait. Oh non, soldat, sans droite, sans va. Y'a rien de nouveau, je sors de cavale. Y'a toujours tes tapins, toujours elles avalent. J'enroule des ballons, j'enroule une cavale. Toujours, je rirai les panas. Je sais qu'en hiver, tu n'étais pas là. J'tartinais avec des calages. La saison hiver, que pour les bananes. Kalachnikov dans le garage. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Pour le bif, on ira. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Si tu veux la guerre, si tu veux la guerre, on ira.